Environnement vandalisé, tombe profanée, paroles livrées de saints, vandaliser le monde. Une spirale vandale, les politiques vandalisent notre image, ma couille. Clairement, je représente le bruit, l'odeur et la racaille, ainsi qu'à moi de vandalisme. Dans les banlieues, le bitume est aussi vandal que les magouilles de haut lieu. Démocratie, espoir, en chute libre, y'a plus de morale, crachat dans la gueule de l'arbitre. Marseillais sifflé, chrétien, gymnasie, dopage et corruption, c'est l'anarchie. Du chiffre pour les filles, c'est pif pour le prestige. Esprit vandal, ça commence à 13 piges. Stream, même paillette, ça roule, tu foules. Pour rester fier, ça se fait vandaliser la rondelle. Et après, ça demande de la reconnaissance. Attitude, vocabulaire vandal, vers ses poufias. L'argent c'est que c'est gloire, la vie de rêve c'est vandale. Pour le pouvoir s'installe, une terre c'est vandale. Chacun pour sa gueule, ce putain de monde est vandale. De la naissance au deuil, la vie c'est vandale. À la vie, à la mort, le rap c'est vandale. Fiche tard à la dalle, la dèche c'est vandale. Ça pue grave la mort, le sous-sol c'est vandale. Vandale, vandale, vandale, vandale. De la sup au village, on reste vandale. Tout pour la maille, esprit chacal. Quartier rouge, la spirale, ça reste vandale. 9-4 sans fin, rah, ça fait trop mal. Vandale, la spirale, OIF résonne, yo. prendre du fond.